Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu apewe sifa. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuna misalimie mangari bialeo mujina damani ya Bwana wetu na mfalme wetu Yesu Kristo. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne dans le nom de Jésus-Christ. Tuna salimia pia banduku na baza pero mfuata kutumtandao mujina Bwana Yesu Kristo. Notre bien-aimé frère c'est à diacre à l'église de Likasi. Mupendo wetu mwekwa shemwashi kwa kanisa Likasi. Il vous a envoyé des salutations dans le nom de Jésus-Christ. Alimitumia masanamu mujina Bwana Yesu Kristo. Sans plus tarder, je vous demande de vous lever pour lire la parole de Dieu. Bila kukawia mimi nimeomba msimame njoo kusoma neno ya Bwana. Nous prenons nos bibles dans le livre de le livre d'Hébreux. Tunabeba maandiko yetu mkitabu. L'épître aux Hébreux. Mubarua kwa Ebrania. Nous prenons chapitre 6. Tunabeba msura ya 6. Et nous commençons à lire à partir du verset 10. Na tutaanza kusoma msura ya 10. Hébreux chapitre 6. Kwa Ebrania sura ya 6. Verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nikunasoma mujina Bwana Yesu Kristo. Quand Dieu n'est pas injuste, sababu Mungu ana muzalimu, pour oublier votre travail, Dieu kusabwa kazi yenu, et l'amour que vous avez montré pour son nom, na mapendo le mulionyesha mujina lake, et a rendu et rendant encore des services aux saints, benye kufanya na benye kuendelea kufanya tena kazi kwa watakatifu. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Tunatamani kila mmoja wenu apate kuchunga ile bidii moja juu ya kuchunga kufika hata na kumwisho ile matumaini ya utele. En sorte que vous ne vous relâchez point, kusudi mushachilie, et que vous imitez ce qui, par la foi et la persévérance, na mupate kufuatilisha bali kupitia imani na kudumu, héritez des promesses. Baririti mamalako. Chacun de nous va prier un peu de mots. Kila mmoja wetu ataomba masomo kidogo, tuombe shoboti. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu amibariki tele. Bien-aimés frères et sœurs. Ba pendo ndugu na dada. Notre sujet de ce soir. Mchina yetu ya mangaribi ya leo. Nous l'avons intitulé comme ceci. Tulitunga hivi. Dieu n'est pas injuste. Mungu ashina muzalimu. Pour oublier votre travail. Juu ya kusabwa kazi yenu. Dieu n'est pas injuste. Mungu ana muzalimu. Pour oublier votre travail. Notre Dieu, il est juste. C'est un Dieu de la justice. Un Dieu aussi de la sainteté. Et nous allons parler sur ce sujet. Nous allons aussi montrer des choses. Alors je vous demande de prêter votre attention. Pour saisir ce que l'Esprit va nous parler. Beaucoup d'entre nous sont des croyants de la parole de Dieu. Et nous devons comprendre le plan du salut. Nous avons le salut par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, selon ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, nous pouvons lire. Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit, nous commençons au premier verset. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de l'ennemi, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Vous voyez l'amour de Dieu. La Bible dit que nous aussi, nous étions morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous vivons autrefois. Moi, j'aime cette écriture. Autrefois. Autrefois. Ça veut dire qu'il y a un changement. Tu n'es plus ce que tu étais. Autrefois, tu étais pécheur. Mais aujourd'hui, tu n'es plus pécheur. Autrefois, tu étais esclave. Mais aujourd'hui, tu n'es plus esclave. Autrefois, tu étais perdu. Mais aujourd'hui, tu es sauvé. Et qui a opéré ce changement? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui a opéré en nous ce changement. Autrefois, Zaman, vous étiez morts. Deux bien-aimés frères et sœurs, tu ne dois pas toujours être ce que tu étais. Mais tu dois changer. Tu dois changer ta vie. Tu dois changer ton comportement. Et vous voyez ici, la Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Et je prends le verset 8. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Ça veut dire que Dieu nous a fait grâce et nous avons cru cette grâce. Nous avons accepté cette grâce et à cause de cette grâce, en croyant à l'œuvre du salut, nous sommes sauvés. C'est par notre foi, à l'œuvre du salut, que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le problème du salut, ce n'est pas par notre force, ni par nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Et frère Branham me disait toujours, qu'est-ce que la grâce? La grâce, nema, c'est ce que Dieu a fait pour moi, nifanchia, et pour vous. Na, nifanchia na mwe. Dieu nous a fait grâce. Il s'est donné lui-même comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais avant de recevoir les salis, tu dois d'abord croire. Tu dois accepter cette grâce. Parce que la grâce est grâce à celui qui la reçoit comme grâce. Mais si vous rejetez la grâce, vous tombez dans la disgrâce. Mais nous, si nous sommes sauvés, c'est par la grâce au moyen de la foi. Et après avoir été sauvés par la grâce, nous devons servir notre Dieu. Nous devons être reconnaissants envers notre Dieu pour lui rendre un service à cause de la grâce qu'il nous a faite. Et Frère Branham disait toujours, la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi et pour vous. Mais les œuvres, c'est ce que moi j'ai fait pour Dieu. En signe de reconnaissance de la grâce. Alors nous reprenons notre écriture. Dans le livre de Béla, nous venons de lire. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Ça veut dire quoi? Après avoir été sauvé, chaque service que nous rendons au Seigneur, comme Dieu, il est juste et la loi de Dieu lui exige que chaque ouvrier puisse mériter son salaire. Et le travail que nous rendons au Seigneur ne sera pas en vain. Dieu va nous récompenser. Vous voyez, frère, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont égoïstes, qui ne veulent pas servir Dieu, qui ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu ou assister les hommes de Dieu, assister aussi les enfants de Dieu. Mais la Bible nous montre ici que chaque travail que nous faisons pour le nom de Dieu, pour l'église de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, il y a toujours une récompense. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est pour ça que la Bible dit tout ce que vous faites en acte et en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Si vous faites quelque chose dans le nom de Jésus-Christ, tu auras ta récompense. Alors, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans la misère, qui sont en train de souffrir. Ils ont les salis dans les âmes. Mais pour ce qui concerne la bénédiction matérielle ou financière, vous devez apprendre à servir Dieu ou à soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu va vous bénir matériellement aussi. La bénédiction n'est pas gratuite. Oui, frère. La bénédiction matérielle n'est pas gratuite. Cela est lié par la loi de la semence. Tu dois semer pour avant de récolter, tu dois d'abord semer. C'est pour cela que vous pouvez même voir un homme comme Isaac, fils d'Abraham. Isaac, il était un prophète. Mais si vous lisez dans la livre de la Genèse, chapitre 27, vous verrez que Isaac, avant sa mort, lisons un peu rapidement. Parce que parfois, si nous parlons seulement comme ça, vous devez comprendre ça par les Écritures. Genèse chapitre 27. Isaac devient vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse. Cherche-moi du gibier. Fais-moi aimant comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. Amen. Regardez ici, frère. Mwangare banduku. Esaü était son propre fils. Esaü alikuwa mwana wake. Le fils d'Isaac. Mwana wake wa kweli wa Isaac. Alikuwa na watoto wa Esaü et Jacob. Esaü na Yakobo. Mais il aimait beaucoup Esaü. Lakini alimpenda kabisa Esaü. Esaü fut un grand chasseur. Sababu Esaü alikuwa mlumbataji mnene, alikuwa analumbata banyama. Alikuwa anatengeneza na kupika na abletia baba yake. Mais Isaac. Lakini Isaac. Comme les jours de sa mort s'approchaient. Il appela son fils Esaü. Mwana wake wa kwanza Esaü. Na akamwagizia chasser pour lui le gibier et de lui préparer et de lui amener cette nourriture et après avoir mangé il va lui bénir, il va prononcer la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction, avant de les recevoir, tu dois faire quelque chose, tu dois d'abord faire quelque chose qui va provoquer que Dieu puisse se réjouir et Dieu te bénira. Alors Isaac a donné cette condition à son fils Esaü. Et c'est lorsque Rebecca a attendu, elle a fait ce qu'il avait fait là, vous connaissez. Alors bien aimé frères et sœurs, vous voyez, la Bible dit ici que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré en son nom. Vous avez rendu service au sein. Et vous continuez toujours à le faire. Donc si vous rendez service à l'église de Dieu, aux enfants de Dieu, vous ne manquerez jamais votre récompense. Bien aimé frère, le salut c'est gratuit. C'est par la foi, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Mais la bénédiction, on l'arrache. Tu dois faire quelque chose. Il faut Jacob a préparé la nourriture. Il a donné à son père. Et Isaac a mangé. Il a prononcé, il a prié. Il a prié des fois des bénédictions. Et Jacob était béni. Pourquoi? Parce que Isaac avait déjà mangé sa nourriture. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors mes frères et sœurs, ne continuez pas toujours à pleurer, mais tu dois aussi chercher la bénédiction. Apprenez à soutenir l'œuvre de Dieu. Apprenez aussi à soutenir les serviteurs de Dieu. Commencez aussi à aider tes frères et sœurs. Assistez-les. Si vous avez quelque chose, que tu vois un frère ou une sœur dans les difficultés, aidez-les et Dieu te récompensera. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritez des promesses. Ne vous relâchez pas. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Continuez toujours à faire le bien. Parce qu'en faisant le bien, vous ne perdrez pas votre récompense. Et cela est écrit dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Nous avons des frères et sœurs égoïstes qui ne partagent même pas. Il ne s'occupe même pas des serviteurs de Dieu. Ce qui n'est pas bon. Un enfant de Dieu doit se soucier des hommes que Dieu lui envoie pour apporter la parole de Dieu. Tu ne dois pas être indifférent envers ton pasteur ou envers les hommes de Dieu, même envers les frères et sœurs. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Ne vous fatiguez pas. Comme vous êtes en train de construire l'église, il y a encore des travaux derrière. Ne vous fatiguez pas, que moi j'ai beaucoup contribué, frère. Que les autres puissent travailler. Depuis que nous avons commencé à soutenir cette œuvre, non, vous qui êtes encore jeunes, continuez, nous sommes fatigués. Non, frère, la Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que le travail que vous faites d'entrée, de rendre pour la cause du Seigneur, ne sera pas en vain. Il y aura toujours une récompense. Dieu est juste, frère. Oui, frère bien-aimé. Et nous pouvons encore lire dans le livre des Romains, Romains chapitre 4, verset 4. Si vous faites quelque chose pour Dieu, il y a toujours une récompense. Ce n'est pas une grâce. Non, frère. La Bible dit ceci. Oh, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce. Si quelqu'un fait une œuvre, il travaille. Ou si vous engagez quelqu'un de travailler pour toi dans la pharmacie ou dans une entreprise, tu dois lui payer son salaire. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un don que tu lui donnes. La Bible dit que celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due. Comme c'est une mérite. Ni kitu alistahili. Ce n'est pas un don. Aina zawadi ile unampatia. Oh bien aimé, entendez. Oh mpendo chunga. Je vais t'offrir quelque chose. Mimi nitakupatia kitu kimoya. Non, ça ce n'est pas un don que tu lui donnes. Ile ana zawadi unampatia. Si travaille. Kama natumika. Tu dois lui payer. Unapasha kumlipa. C'est le travail. Ni kazi. L'ouvrier mérite son salaire. Anastahili malipo yake. Et comme Dieu est fidèle à sa parole. Mungu mwaminifu kuneno yake. Dieu dit que Mungu anasema. C'est lui qui donnera. Même un verre d'eau froide à l'aide de mes disciples, il ne perdra pas sa récompense. Apprenez à faire le bien. Bien aimés frères et sœurs, frère Bana nous a toujours recommandé, nous les prédicateurs, de vivre nos prédications. Et ce que moi je vous dis, moi-même j'ai l'expérience. J'ai le témoignage. J'ai vu ça. C'est ce que moi je vis tous les jours. Lorsque je fais quelque chose pour un frère ou pour une sœur ou pour les hommes de Dieu, même pour l'église, Dieu m'a toujours béni. Oui, frère. Dieu est lié à sa parole. Alors, le frère Bana me dit, dans la prédication, s'arranger du côté de Jésus. Ici, frère Bana nous raconte une histoire. Et vous connaissez bien de la Bible. Il y avait une femme dans la Bible, la femme prostituée. Je pense que c'est Marie. Elle était venue au pied de Jésus pendant que Jésus était négligé dans la maison de Simon le pharisien. Alors cette femme a observé que Jésus était là au coin, abandonné, négligé, méprisé. Et elle est allée acheter le parfum de grand prix. Elle a, elle a faufilé. Et s'est jetée dans les genoux de Jésus. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et par ses larmes, elle a lavé les pieds de Jésus-Christ. Elle a encore pris ses chevelures. Et elle a essuyé les pieds de Jésus. Ce n'était pas les mèches. Mais c'était ses chevelures. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle a encore pris le parfum, il est manukato, elle a parfumé Jésus. Mais pendant qu'elle faisait ce travail, ce service-là, Jésus était calme. Jésus ne bougeait pas. Et c'est ce que Frère Branham explique ici. Alors je vais lire pour vous. Je vais lire sans du côté de Jésus-Christ. Paragraphe 180. Et je vais encore lire l'évangélisation du temps de la fin. Ça parle de la même chose. Paragraphe 212. L'évangélisation du temps de la fin. Écoutez. Et Jésus s'était simplement à la regarda et il ne bougea pas un pied jusqu'à ce qu'elle terminait. Si vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus, Jésus se tiendra là et vous observera le faire pendant un temps. Si vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus, ce n'est pas seulement lorsque tu fais et tu reçois le salaire. Non. Même ceux qui travaillent, frère, c'est à la fin qu'on reçoit le salaire. Et si vous êtes en train de servir Jésus-Christ, ne soyez pas pressé. Attends, ta récompense arrive. La récompense vient à la fin. Il vous laisse aller de l'avant jusqu'à ce que vous ayez fini. Et alors, la récompense vient. Écoutez, peut-être que vous aurez à passer toute votre vie à travailler pour lui. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une récompense à la fin. Si vous vous arrangez de son côté. Oui, frère. Tu peux dire, moi j'ai beaucoup servi le Seigneur. Mais ma vie est toujours comme ça. J'ai vu toute la misère. Attendez. Ta récompense arrive. Malipo yako kunafika. Alléluia. Amen. Et dans la prédication, na mumahubiri yake, l'évangélisation du temps de la fin, kupasha injili ya mwakati ya mwisho, nukta yake 212. Mais après avoir travaillé pour Jésus, kisha kutumikia Yesu, maintenant c'était le tour de Jésus-Christ. Sasa alikuwa ni wakati ya Yesu Kristo. De récompenser la femme. Ya kumulipa mwanamke. Alors comme cette femme était une femme de mauvaise vie. Vile ni mwanamke ni mwanamume wa maisha mbaya. Elle était une femme pécheresse. Ni mwanamke mtenda dhambi. Elle avait des péchés de démons. Alikuwa na mazambi na mademona. Vous voyez, frère? Mnaona bandu. Mais Jésus-Christ. Lakini Yesu Kristo. Alors regarda. Mkumwangalia. Elle a vu que cette femme, si je l'ai béni matériellement, comme c'est une pécheresse, zambi, elle va aller en affaire. Mwadeza. Alors, comme la récompense, sasa malipo, comme moi, vile mi, je pardonne les péchés, je vais lui accorder la rémission ondoleo de ses péchés, mazambi comme la récompense sawa malipo de ce qu'elle vient de faire pour moi. Kwa ile kazi natoka kufanya juu. Et Jésus-Christ a dit, na Yesu Kristo alisema, mais je te dis, lakini mimi nakwambia, que tes nombreux péchés, ase mazambi yako ya mingi, tous étaient pardonnés. Yote nasamewa. Voyez-vous, pendant tout ce temps, elle n'avait rien du tout sauf simplement une crainte qu'elle ne faisait pas la chose juste. Mais peut-être, mais cela devait être fait. Mais sa récompense est venue à la fin. Alléluia. Amen. Sa récompense est venue à la fin. Sa mish. Récompense était quoi? De nombreux péchés. Tous ont été pardonnés. Yote na samewa. Vous pourrez m'entendre prêcher ce message. Je peux même arrêter par là. Vous voyez, frère, ça veut dire que dans chaque service que vous rendez au Seigneur, il y a toujours une récompense à la fin. Alors ne vous fatiguez pas de servir Dieu. Continuez toujours à le faire. Et Dieu aura ta récompense, ma soeur. Dieu aura ta récompense, mon frère. Servir Dieu, c'est pas seulement venir ici prêcher la parole. Kuya pa unjua kubiri paka neno. Mimi mwanje l'église. Kuya kutengeneza mkanisa. Jouer la musique. Kupika manzenze. Répéter. Utafsiri. Chanter pour lui. Mwimbia. C'est ça le service que vous rendez. Ni kazi ile kunamfanyia. Pour l'avancement du royaume. Jua maendeleo ya ufalme. Et Dieu te donnera la récompense. Na Mungu atakupatia malipo. Même la bonne santé là que tu as. Atafia njema ndio. Peut-être toi tu ne le sais même pas. Sasa zingine wao ijua tu. Depuis que l'année a commencé. Tangia wao. Tu n'as jamais été à l'hôpital. Hawia ingia kama hôpital. Tout ça c'est la grâce de Dieu. Yote ni neema ya Mungu. À cause des services. Kwa sababu ya qu'est-ce qu'il y a dans cette de lui rendre? Pas pour toi, tiens, tant que tu puisses acheter des jupes. Mais avoir la bonne santé, c'est une bénédiction. Soyez quand même reconnaissant vers Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste. Mungu wana muzalimu. Vous oubliez votre travail. Même vous, messieurs. Quand vous chantez à la chorale, chantez avec joie. Chantez avec joie. Et la Bible dit, na Bible nasema, dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 23, Colossae, sura ki atatu, si vous faites quelque chose de pour Dieu, tu dois le faire de bon cœur. Unapasha kuifanya na moyo mwema. La Bible dit ceci, Bible nasema, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, sawa juu ya Bwana, et non pour des hommes. Apa nasema unaifanya juu ya watu. Ne donnez pas quelqu'un avec intérêt. Si je le donne, lorsque moi aussi j'aurai des problèmes, il va aussi m'assister. Mais ce frère-là, bon, est-ce qu'il a des moyens? Et mais si, bon, il n'a rien. Non, non, je ne peux pas lui donner. Qu'est-ce qu'il va me donner en retour? Ah, non. Moi, je suis un peu charnel. Aidez-le comme ton frère en Christ. Aidez-le comme un enfant de Dieu. Et faites-le de bon cœur. N'entendez pas quelque chose en retour. Les gens qui donnent aux autres, tout en s'entendant, recevoir une récompense, qui ne reçoit pas. Mais ce sont les gens qui donnent avec un bon cœur. Je lui apporte l'assistance parce qu'il est mon frère. Il est dans les difficultés. C'est un enfant de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu, je dois lui assister. Ah, si vous faites comme ça, Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Frère, moi j'ai toujours expérimenté ça. Moi lorsque je donne à quelqu'un la chemise, en retour, Dieu touche le cœur de quelqu'un pour me donner la incomplète. Si je donne par exemple 100 000 à quelqu'un, Dieu me donne par exemple 200 ou 400 000. Ça sont des exemples, frère. Donc Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Mais si vous êtes pauvre, parce que vous êtes égoïste, mais je crois que Dieu ne manque jamais de témoins. Je vais vous donner un témoignage. Frère. La Bible que vous voyez ici, je n'ai pas acheter. J'avais ma Bible. Que j'avais amené. Il mais c'était une petite Bible là de Louis II. Alors, comme les yeux commencent à me déranger, je me disais, lorsque je vais rentrer à Kinshasa, je vais acheter une Bible qui est un peu volumineuse, qui a des grands caractères. Mais arrivé à Kakanda, les jours où je suis arrivé, un frère, Dieu a touché son cœur. Ah, tu dois acheter une Bible pour l'homme de Dieu. Et moi, je ne savais pas. J'ai terminé ma prédication à Kakanda. J'arrive à Mulungushi. Et ce frère qui m'avait accompagné, il m'a laissé chez le pasteur. Et il va faire ses affaires. Et après, je vois, je me reposais. Je vois le frère qui arrive. Frère Josué. Comment tu vas? Je vais bien. Frère, je t'apporte cette Bible. Donc, je vais te la Bible. J'ai dit, frère, comment tu as dit que j'ai besoin de une Bible? Dans mon cœur, j'avais ça. Dieu m'avait dit d'acheter une Bible. Biblia. Frère, ça pour moi c'est un grand témoignage. Et je vais témoigner ça. Regardez les enfants de Dieu qui observent même les serviteurs de Dieu, qui cherchent même à rendre le royaume de Dieu facile. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Je n'ai pas demandé à la frère, mais lui-même, comme c'était un enfant de Dieu, il a observé que la Bible que l'homme est en train d'utiliser pour prêcher la parole ne lui convient pas. Je dois acheter une Bible qui doit lui convenir. Est-ce que toi tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Même pour votre berger. Vous voyez, frère? Un frère va nous donner tes témoignages. Il dit, lorsque je regarde les biens qui sont dans ma maison, je vois les frères, et je vois les sœurs. Les vestes que je porte, ma côte, il dit que les vestes là que vous avez acheté pour moi, il est côté, je ne dois pas les porter pour aller ailleurs faire des choses. Mais je veux les porter pour prêcher la parole de Dieu. Donc vous devez quand même avoir les soucis là d'assister les hommes de Dieu et d'assister aussi l'église de Dieu, et Dieu vous bénira en abondance. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas injuste. Oui, frère. Et la Bible dit, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Quand celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Oui, frère. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a pas de déception de personne. Donc Dieu ne fait pas déception de personne. Vous voyez bien, mes frères, et la bénédiction matérielle, tout ce que vous pouvez recevoir auprès de Dieu, vous devez faire quelque chose, et cela est lié par la loi de la semence, comme cela est écrit dans le livre des Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. C'est ça la loi de Dieu. Si vous semez paix dans le royaume de Dieu, si moissonnerez aussi paix dans le royaume de Dieu. Mais si vous semez abondamment, vous moissonnerez aussi abondamment. C'est pour cela, frère. Ne soyez pas égoïste. Si vous avez quelque chose à aider à quelqu'un, faites-le. Faites-le. N'hésitez pas. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbe, Proverbe chapitre 11, verset 24. Si vous voulez être béni de Dieu, tu dois apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir aussi les frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement, la liberté, la libéralité, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, le fait que s'appauvrir, celui qui fait de libéralité, il devient de plus en plus riche. Mais celui qui épargne à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera arrosée, sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe chapitre 20. Mezali makumbina mnane, verset 27. Mustara makumbina saba. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la faim. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. Ésaïe chapitre 58 verset 7. Isaïe makumi tano na mnani msara saba. Toi tu donnes, tu apportes ces mal à la ton aide. Wokuna leta paka à quelqu'un parce qu'il est d'état dialecte. Wokuna leta msada kwa avant de dire qu'il faut d'abord savoir s'il est de quel dialecte. Pakumkabula na unapasha kujua sema. Ça ce n'est pas dans l'église de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et le sang de Jésus-Christ a fait de nous ses enfants. Nous ne connaissons pas quelqu'un selon la chair. Mais nous vous connaissons selon la parole de Dieu. Sortez de ces choses-là, frère. Bandouk. Celui-là, il parle lingala, il n'est pas de chez nous. Hein. Qu'est-ce que lingala peut nous faire? Ou chiluba, ce sont que des langues de confusion. Ni maruga tu ya mufuruko. Mais notre langue, nous, c'est la parole de Dieu. Lakini ruga yetu chez neno ya Mungu. Écoutez. Mushiki. Verset 7. Musara sab. Ésaïe 58, verset 7. Partagez ton pain avec celui qui a faim. Gabula mkate yako na ule kuna njala. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Na ungishe mnyumba yako ule munyonge bila makao. Si tu vois un homme ni. Kama unaona mtu yuko uchi. Couvre-le. Umufiniki. Et ne te détourne pas de ton semblable. Na hapana kuangalia kwingine kukosea mtu mwenzako. Ne te détourne pas de ton semblable. Hapana kuachilia mwenzako. Ne te détourne pas de ton frère. Hapana kuachilia nduku yako. Alléluia. Amen. Et bien aimé frère, frère Branham me dit que tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a toujours une récompense. Alors je vais vous lire quelque chose dans la parole de Dieu pour vous montrer que frère, depuis l'Ancien Testament, tous ceux qui avaient fait quelque chose pour les hommes de Dieu, pour l'Église de Dieu, ils n'avaient jamais manqué la récompense. Même la guérison, ils avaient obtenu ça. Même les enfants, à cause seulement de servir Dieu. Prenez avec moi des rois. Des rois chapitre 4, verset 8. Vous connaissez bien l'histoire de la femme tsunamite. Et la Bible dit. La Bible nous montre ce que Dieu avait fait pour cette femme à cause de son hospitalité. Et chaque jour que nous faisons quelque chose de bien, Dieu nous récompensera toujours. Un jour, Élisée passait par Sunem et il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec demi et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier afin que s'il se retire quand il viendra chez nous, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée était revenu à Sunem. Elisha renda kule kusunami. Se rendit dans la chambre haute et il coucha. Akaingia mule mchumba cha juu akalalama. Il dit à Gehazi son serviteur, appelez cette tsunamite. Gehazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée lui dit, Élisée dit à Gehazi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi comme récompense pour tout ce que tu as fait pour nous? Tu as construit une maison pour moi. Chaque fois quand j'arrive, je viens ici, je me couche et je suis à l'aise. À cause de ce travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Quel est ton problème? Quel est le problème qui te dérange? uzi. Et il s'est dit, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça s'est traduit comme ça. J'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas de conflit. Je vis en paix avec mes frères. Et il dit, que fait ton père? Il dit à Géasi, que fait pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit appelé là. Et Géasi l'appela. Et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme est devenue enceinte. Et elle apprenta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, alléluia. Amen. Notre Dieu ne souffre pas, frère. Vous voyez la récompense. Elle était avant son âge. Lui et son mari. Mais qu'on ne sait qu'elle avait fait. Elle avait sa récompense. Servez le Seigneur. Tu ne perdras jamais ta récompense. Prenez rapidement. Luc chapitre 7. Nous allons encore lire. Vous avez remarqué ici que la femme elle-même ne pouvait pas dire ce qu'elle avait comme un problème. Mais Géasi a dit, elle n'a pas d'enfant. Et c'est ça le problème capital dans sa vie. Elle avait tout, mais elle n'avait pas des enfants. Dans connaissant l'hospitalité, elle avait un enfant. Alléluia. Amen. Écoutez, Luc chapitre 7. Est-ce que vous êtes ici? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un certain homme avait un serviteur auquel il était très attaché. Et il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, ils lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et ils lui adressaient d'instance de supplication. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est celui qui a bâti notre synagogue. Bien-aimés frères et sœurs, regardez cette écriture. Nous venons vous montrer que celui qui fait une œuvre, le salaire, lui est impité, non pas comme une grâce, mais comme une mérite, comme une chose dite. Les centenaires ici, il avait un serviteur qui était malade. Lui-même, il a tout essayé, ça ne marchait pas. Il n'avait jamais obtenu la grâce de son serviteur. Il a entendu parler de Jésus. Il ne pouvait pas aller lui-même. Il a appelé les anciens d'Israël pour aller demander à Jésus de venir guérir son serviteur. Mais regardez une chose. Lorsque les anciens sont arrivés devant Jésus-Christ, la Bible dit, il lui adressait les instances et supplications en lui disant, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Jésus pouvait le demander. Il mérite quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et ils ont commencé à montrer à Jésus ce que les centenaires avaient fait. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite la guérison de son serviteur. Pourquoi? Parce que il aime notre nation. Il aime notre peuple. Et il a aussi bâti pour nous notre synagogue. Alors comme les bonnes œuvres ne meurent jamais, pour tout ce qu'il a fait, il mérite la guérison de son serviteur. Et Jésus n'avait même pas discuté. Jésus-Christ et les anciens, ils ont pris la route et ils allaient pour arrivés là où se trouvaient les serviteurs de centenier. C'est comme cela que les centeniers, ils se décidaient. Dis moi, non, je ne suis pas digne. Le Seigneur épouse venait dans ma maison. Non. Il alla à la rencontre de Jésus et il dit, Seigneur, ne viens pas dans ma maison, mais là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus-Christ, ton serviteur, vit. Et à l'heure même, son serviteur était guéri. Bien-aimés frères et sœurs, si vous faites quelque chose pour lui, il y a toujours une récompense. Mais je voulais aussi vous lire quelque chose. Regardez ici le rôle que les anciens avaient joué. Le même erreur que le Saint-Esprit joue pour nous lorsque nous avons des problèmes. Si nous sommes dans la difficulté, le Saint-Esprit connaît tout ce que nous faisons. Les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres que nous faisons, le Saint-Esprit prend ça et il les rapporte vers notre Dieu. Il donne des rapports vers notre Seigneur. Et chacun de nous reçoit la récompense selon ce qui est son œuvre. Parce que je n'ai pas injuste. Regardez, lisez même avec moi, avant que je lise les prophètes. Romains chapitre 8. Centenaire lui-même ne savait rien. Mais lorsque les anciens sont allés devant Jésus, ils ont supplié Jésus. Et il dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes ce rôle. Regardez ce qu'il avait fait. Regardez ce qu'il avait fait. Regardez ce qu'il avait fait. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qui nous convient, de demander dans la prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia! Amen. L'Esprit nous aide, frère. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous ne savons même pas quoi demander. Tu es accablé par les problèmes, tu n'arrives pas à prier, tu te jettes dans les lits, mais l'Esprit de Dieu connaît ton problème. Il prend ton dossier et il va intercéder auprès du Père. Dis, Seigneur, tu vois ton fils là, c'est un bon frère, il est obéissé à ta parole. C'est vraiment un vrai soutien de l'œuvre de Dieu. Mais, tu vois maintenant, il est dans les difficultés. Tu dois faire quelque chose pour lui. Le Saint-Esprit nous aide. Lorsque nous sommes dans les faiblesses, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Mais lui, il connaît nos besoins et il intercède des soupirs inexprimables. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est lui notre soutien. C'est lui notre tuteur. Notre enseignant, celui que Dieu nous a confié pour nous conduire dans la sainteté. Et tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit voit, le Saint-Esprit connaît. C'est pour cela, ma soeur, ne te livre pas dans la prostitution. Quand tu te livres dans la prostitution et tu cherches les mariages, le Saint-Esprit va dire, Père, il ne mérite pas les mariages. C'est une prostituée. C'est une prostituée. Si tu le donnes à un frère, mais elle va tuer le frère. Vous voyez, frère, même si tu cherches le travail, si Dieu te confie, te donne un travail, est-ce que tu vas tuer l'œuvre de Dieu? Et tu vas prendre l'argent là, que Dieu t'a donné. L'argent que Dieu t'a donné, tu vas commencer à gaspiller ça. C'est pourquoi beaucoup sont dans la difficulté aujourd'hui à cause de notre mauvais comportement. Au lieu de se comporter correctement, mais nous nous comportons mal. Mais vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui fait les rapports auprès du Père tous les jours. C'est le Saint-Esprit. Lui n'est pas notre notre accusateur. Mais lui, il est le tuteur. C'est pour ça que la Bible dit, dans les derniers jours, aucun enseignera un autre. Mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Quand c'est l'onction qui enseigne, vous voyez frère, et chaque fois, lorsque tu t'apprêtes à faire quelque chose de mal, on a fait quoi faire quelque chose. Le Saint-Esprit toujours ne fait pas ça. Allez écouter. Je vais lire rapidement. Dans la prédication, écoutez-les. Écoutez-les de 1956. Le 11 juin 1956. Je vais lire. Remarquez donc. Et si cet tuteur. Non, je vais. En tant que tuteur, il devait être un homme sincère. Eh bien, il ne devait pas faire de manigances. Le fils, il ne pouvait pas faire de manigances avec le tuteur. Parce que le tuteur ou l'enseignant devait faire un rapport exact au père si la conduite est difficile. Et comment le tuteur devait baisser la tête? De honte, baisser la tête de honte, en allant devant le père pour lui dire, votre fille, votre fils, n'est pas obéissant. Il est trop négligent. Oh, comment il devait cacher son visage. Et je me demande souvent ce que fait le Saint-Esprit. Comment il doit rougir? Comme un prophète déjà dit avait rougi en se tenant à la présence de Dieu. Quand il fait un rapport, wakati on a si le caractère yulu atabia, et la conduite mwenendo, de nos églises, si la conduite de l'église si la conduite de l'église ya mwenendo ya kanisa, de ces jours ici, ya siku ya leo. Oui frère, Dio le Saint-Esprit fait les rapports. Rome si la conduite de l'église, comment l'église marche, comment le croix se comporte, est-ce qu'il y a l'amour parmi les frères, est-ce qu'il y a l'amour parmi les sœurs, les sœurs qui font les rapports, comment il doit rougir quand il se tient devant Dieu, devant le Père, pour dire, ils se sont tous séparés, il y a des cas. Ils agissent comme le monde. L'église que vous voyez là, il agit comme le monde. Il se marie et donne au mariage. Les femmes s'habillent et agissent pratiquement comme les prostituées dans la rue. Comment les hommes fument des cigarettes et des sales et plaisanterie. Donc tout ce que nous faisons là, il y a quelqu'un qui donne les rapports à notre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lui n'est pas notre accusateur, mais c'est quelqu'un que Dieu nous a confié pour nous conduire dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Et si nous nous comportons d'une manière digne, il fait les rapports. Mais si nous nous comportons aussi mal, il fait aussi les rapports exacts. Le Saint-Esprit ne trompe pas, frère. Vous voyez, c'est pour cela, examinez-vous, mes frères. Servez le Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit va donner le rapport, qu'il puisse faire un bon rapport à ton sujet. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais terminer, bien-aimé. Je vais lire encore. Écoutez-les. De 7 août 1957 paragraphe 15 veuillez me pardonner, je vais terminer par cette citation. Et bien, ce père prenait le fils Baba, et le contient un précepteur ou un titre maître de l'école. Et en d'autres termes, Ce maître de l'école devait faire un rapport au père si l'évolution exacte de l'enfant. S'il était paresseux, ou s'il était lent, ou s'il était un jeune homme brillant, intelligent et bien éveillé. Eh bien, le père devait trouver quelqu'un. Le bon genre de tuteur. Et c'est un beau type de l'église. Est-ce que vous êtes ici? C'est un beau type de l'église. Quand nous devenons des fils de Dieu, né dans le royaume de Dieu, le Père Baba nous a envoyé le meilleur tuteur qui pouvait trouver kupata, le Saint-Esprit. Rome takatif. Eh bien, Muzuri, il ne nous a jamais envoyé un archevêque pour être notre tuteur ou un surveillant général ou un surveillant de district. Ou un surveillant de district. Je saute. Mina luka apa. Paragraphe 16. Nuk ta kia et puis cet iter kisha ule kufundisha doit être juste. Anapasha kuwa kunyoro. Ne rien ménager. Ashita tengeneza bintu mapatano. Il doit rapporter la pure vérité au anapasha père. Anapasha kuleta ripoti ya kueneana kwa baba. Et combien cet iter devait rougir. Na namna kani ule mwa kutufundisha apasha kushikia haya. Wakati atashisonga mbele ya baba. Na kusema. Votre enfant. Mtoto yako. N'évolue pas très bien. Ashendele mzuri. Il échoue dans ses études. Eko na shindo majifunzo. Il est lâche. Eko pale ashindo. Quel sentiment le tuteur devait éprouver. Ni na alikani ule mwa kutufundisha apasha kwanza kushikia. Le Père avec un tel message. Et je me suis souvent demandé quel sentiment le Saint-Esprit doit éprouver en présence de Dieu en faisant un rapport sur la conduite de notre église. Ma soeur et mon frère, regardez ta conduite. Si ce soir, je suis sûr et certain, comment tu as marché toute la journée, le Saint-Esprit va faire un rapport. Mais quel est le genre de rapport que le Saint-Esprit va faire au Père? Comment tu t'es conduit toute la journée depuis que l'année a commencé? Quel est ton comportement vis-à-vis de la parole de Dieu? C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont privés de la bénédiction de Dieu parce que nous nous comportons mal. Mais en tant que des fils et filles de Dieu, marchons correctement, vivez la bonne vie chrétienne, ayez la crainte de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit fait le rapport auprès du Père, qu'il puisse donner un bon rapport. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Tout ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, pour ses serviteurs, pour son église, pour ses enfants, il y aura toujours une récompense. Que le Seigneur vous bénisse.